émission. Seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Black M. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bonsoir, bienvenue à vous tous. Comment ça va, Black M? Bien. En pleine forme. Comment se passe cette tournée? Super bien. Dans le monde entier, dans la France entière. On fait des grosses dates, on suit sur scène, on s'amuse. Je suis avec tout le Watibé. Tu as amené un célèbre exemplaire de l'équipe. Ouais, j'ai. Il est avec nous ce soir. On peut d'ailleurs saluer tes invités déjà ce soir dans l'émission. Ouais, beaucoup d'invités ce soir. Oui, il y a beaucoup d'invités là. Beaucoup d'amis. Mmh. Classe en plus. Classe, hein. Assorti et tout. Tu vois ou pas? Tu nous expliques un peu ou c'est pas le moment d'expliquer? Oh, c'est pas le moment, on verra tout au long de la soirée. En tout cas, il y a du monde, vous pouvez mater les images sur Skyrock FM, sur l'appli. Et puis ceux qui ont pris d'entrée de jeu le micro, qui sont installés à la table de Planète Rap. Il y a Dawala qui est là. Le Wati Boss est là. Lui-même, en personne. Pour l'album, la réédition. C'est dans 7 jours la réédition, l'album de l'année, l'album de Black M qui va désormais s'appeler Le Monde Plus Gros Que Mes Yeux. Yes. Après avoir découvert Les Yeux Plus Gros Que Le Monde. Ouais. La suite. Le titre à l'envers. Voilà, c'est le titre à l'envers. Avec 8 morceaux inédits, on en connaît déjà quelques-uns. Exact. Il y a Je Garde le Sourire qui tourne. Il y a le Black Shady partie 3. Black Shady qui a été balancé, ça on va en parler dans un instant parce que là il se passe des choses dans le rap game, donc on va en parler dans un instant. Il se passe des trucs chelous, donc on en parlera tout à l'heure. Et ouais, c'est tout pour l'instant, c'est ces deux morceaux qui tournent. Je vais sûrement en faire découvrir un ce soir. Et bah très bien, on pourra découvrir en live peut-être. En live direct, ouais. Et bah ce sera avant 21h. Direct. Comment va le Wati Boss? Bien, tout se passe bien? Ça se passe bien. J'ai vu l'ouverture d'une nouvelle boutique là, c'est quand, la semaine dernière? À Lyon, on était tous là-bas, voilà. C'était le bordel et voilà, on est contents. On se déplace en groupe, en famille. On fait les choses comme ça. Et la force. Il y a des prochaines ouvertures parce qu'on n'arrête pas de demander genre une Wati boutique à Lille, une à Rennes, une. Et on en veut une en Guinée aussi. En Guinée. C'est compliqué. Poto. On va envoyer Fred là-bas. Ah bah, avec grand plaisir. Fred, voilà. Des drapes de là-bas. Non, on essaie d'ouvrir un peu partout. Il y a vraiment nos Wati soldats. Et à Lyon, voilà, ça fait partie, on va dire, de la troisième capitale. Il y a Marseille, il y a Paris. Mm-hmm. Et à Lyon, on sait que, voilà, il y a Lille aussi, mais voilà, on fait petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Très belle expression. Voilà. Et là, on est là pour l'album du petit frère. Qui avait fonctionné, là, la Mi 8, Kennedy, lourd de chez lourd. Mm-hmm. Et là, c'est vrai. On est là pour le soutenir. Et bon, on pourra le découvrir cette semaine. On va saluer aussi Abou de Bang qui est là parmi nous. Yeah. Que vous voyez sur la tournée de Black M, tu y es souvent, toi? Ouais, je la comprends. Il est là, c'est tout le temps. En fanto. C'est le backer officiel. je suis avec lui sur tout ce qu'il fait. Grand danseur. C'est l'acolyte, l'alcoolique. Non, danseur. Si. J'ai mal au dos, là. Bah oui, là, je sais pas, à part la petite chute, à part le petit. Ouais, on essaie, on fait des petits concours. Tiens, au Zénith de Paris, tu vas monter sur billet facile, on va voir ce que ça donne. T'es chaud? Bah moi je suis bouillant moi, mais c'est vous qui allez pas. J'ai fait une capture d'écran de toute façon sur Instagram. C'est vous qui allez pas tenir quoi si je le fais. Fais gaffe Fred. Vas-y, ok. On suivra ça, c'est au Zénith de Paris, à pas louper, ça arrive là, hein, c'est au mois de décembre. Le 4 décembre au Zénith de Paris. Sinon la prochaine date c'est vendredi à Clermont-Ferrand. Voilà. On sera donc en duplex de Clermont-Ferrand vendredi. Yes. Parce que tu seras dans l'émission. Yes. Et juste après tu monteras sur scène au Zénith de Clermont. Mm-hmm. Avant d'attaquer ce Planète Rap, même si on a déjà commencé. On se ferait pas un petit medley de Black M, justement, de tous ces gros cartons, de tous ces morceaux que les gens ont adoré? Écoutez Black M maintenant. Ouais, Skyrock, c'est Black M. Je vous appelle pour le freestyle. Oui, je veux freestyler en fait. Planet Rap. Wesh Fred, dis-moi à quand mon plat. Tout le monde dit black. Hein, j'ai dit tout le monde dit black. Moi, c'est le big Black M que tu comparais à cet enfoiré de Mikey Mouse. You know this, baby. Black M. C'est Black M. T'aimes te faire belle, oui, t'aimes briller la night. T'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. T'aimes que l'on pense, oh, il faut que t'es la plus. Oh, je l'ai dit. Je suis en malade, je fais comme si je connaissais personne. Mais tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Spectateur d'un film gore, et je t'avoue que la suite est mes frères. Spectateur, une vie trop courte si je pouvais réellement la refaire. Ramenez-moi vos rois, je vais retourner l'endroit. Ramenez-moi vos rois, je vais vous faire marcher droit. Ramenez-moi vos émirs, je vais remplir toutes vos élites. Ramenez-moi vos émirs, je vais remplir toutes vos élites. Planète Rap. Hey, tu fais quoi là? Vas-y, Vas-y, vas-y, pose-moi. Ouais, tu fais la jao, tu check mon fun. Viens pas me les casser ou je jette mon fun. Oui, je fais la jao, je check ton fun. Et si t'es pas content, bah vas-y, jette ton fun. Wesh, Fred, dis-moi à quand mon planète. Votre playlist n'est pas nette, Shady va tous vous carner. Présent depuis des années, mon concurrent n'est pas né. Les anciens ne peuvent pas nier. Amenez-moi un verre de Watibul. J'ai soif. Ok, ok, c'est Big Black M sur Skyrock. Les gens me regardent bizarre, comme si j'étais coupable. Les gens me regardent bizarre, et j'ai tellement peur au final. Play the rap on Skyrock. Je demande où est-ce qu'il va encore pouvoir passer l'hiver. Si je le pouvais, je le mettrais simplement dans la poche de Gulliver. Oh. Je n'ai pas des punch, je n'ai que des black lines. Si y'en a une qui te parle, Harry back là. Je n'ai pas des punch, je n'ai que des black lines. Si y'en a une qui te parle, Harry back là. Skyrock. Et cette foutue mélodie vient du fond de mon rôle. J'ai dû l'entendre à la radio. Faudrait sûrement que je vois un médium. Car chaque fois ça recommence. Où je me trouve, cette fausse mélodie n'a qu'une envie, c'est de nous diviser. Skyrock. Doucement cousine, ne casse pas ton dos, mais vas-y doucement cousine, ne casse pas ton dos. Ça va. Doucement cousine, ne casse pas ton dos, mais vas-y doucement cousine, ne casse pas ton dos. Ça va. Vous êtes prêts? On est sur Skyrock là. Skyrock. Aïe madame Pavoshko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits madame Pavoshko, et vos gosses me kiffent madame Pavoshko. Et ça fait. Sans l'eau, tête sous l'eau, je me suis dit c'est le moment. Sur Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Oh yeah. Ils sont trop nombreux. Oh yeah. On peut pas tous les citer. Mais bon, je peux t'en citer quelques-uns là comme ça. Oh yeah. Stevie Wonder. C'est eux qui m'ont donné l'envie. Cyndi Lauper. Marvin Gaye. Madonna. Jimi Hendrix. Les yeux plus gros que le monde. Le monde plus gros que mes yeux. Big Black M sur Skyrock. Yeah. Sur Skyrock, alors, chaud le medley, hein. Un gros medley, hein. On a entendu pas mal de sons de la réédition. Quelques morceaux balancés comme ça de la réédition. Yes. À vous de les repérer, à vous de les reconnaître en balançant des messages avec le hashtag Black M sur Skyrock, la réédition. C'est dans une semaine, le 17 novembre dans les bacs. Ne loupez pas la sortie. On a oublié quand même quelque chose de très important avant de débuter ce Planet Rap. Dis-moi. Anniversaire d'HQ. Oh, l'anniversaire de mon gars sur DJ. Eh oui, il est là, il est au platine, on a pas salué ça bien numéro 1 en France. Est-ce qu'on chante tous? Ah. Non, non, on chante pas. Joyeux anniversaire, Zingli. Joyeux anniversaire, Zinglito. Joyeux anniversaire, Vieillotto. Uno. Du One. Anniversaire. Bravo. Merci, merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'aurais même d'ailleurs pu chanter toi-même la chanson avec cette jolie voix HQ qu'on n'entend pas assez. J'ai vu cette voix de DJ HQ. De baryton. De baryton. Bon, tout va bien, HQ? Ouais, nickel. La réédition est comment? Bah, elle est juste lourde. Hein. Franchement, que des gros sons. Il y a un mec généreux qui balance 8 titres comme ça, 8 zin, comme zin. Ça. C'est une dinguerie. C'est un album presque. C'est un album. Presque. C'est vrai. C'est presque un album. Et ça sort le 17 novembre. Aïe. On part sur quel morceau, HQ? Comme je te sens bien chaud là, pour ton anniv, je sais pas, t'es en train de tripoter tes platines. On attaque. Je garde le sourire. Allez, c'est yes, parti. Chef de gueudon. Ça sort le 17 novembre dans les bacs. Réédition. Si je garde le sourire. 8 inédits. Ah. Big Black. Double platine grâce à vous. Depuis je garde le sourire. Tout ce monde qui s'est déplacé pour moi. Oui, je l'ai voulu, mais chaque fois je me demande pourquoi. Ma scène est un cirque, j'en ai fait ma maison. Où tout le monde fait comme chez soi, car tout le monde connaît mes sons. Cœur malade, cours après la guérison. Mon public ne peut pas me comprendre, je suis dans l'autodérision. Ce soir j'ai rempli l'une des plus belles salles de Paris. Mais ce soir j'ai perdu un frère, un grand proche dans ma vie. Mais pas le choix, les gens en face attendent beaucoup de moi. Si je baisse les bras, quoi qu'il se passe.

Et on le cherche tous, Boto. Pourquoi tu as des choses à... Ah, je cherche. À régler avec. Ah, parce qu'en fait, il ressemble à Black M, mais c'est pas Black M. Alors, on va expliquer juste ça. Ce morceau, c'est un extrait de la réédition. Yes. Qui s'appelle Black Shady. Black Shady, partie 3. Pour ceux qui connaissent pas, il y a eu la partie 1 et la partie 2 avant. Où c'est en effet le côté alter ego, comme peuvent l'avoir différents artistes, hein. Ouais. Eminem avec Shady, justement, le petit clin d'œil à Eminem. Ouais, exactement. Avec, ouais. Avec le côté Shady. Donc, toi, ton alter ego, celui qui balance tout un tas de saloperies. Il balance tout un tas de saloperies sur Black M, sur voilà. Wachibé. Et là, il s'en est pris un peu légèrement. Ah bah moi j'ai pris, mais t'as, bon, t'as pris un peu ouais, aussi. J'ai pas au un game. Petit peu, mais bon. C'est pas méchant. Rien de bien grave. Mais on le recherche quand même. On s'en remettra. Mais c'est vrai que tu dis des trucs en disant la section c'est fini. Enfin bon, enfin non, pardon. Lui il dit des choses. Il dit des choses. Ouais. Il dit des choses. Il dit des choses. On le cherche encore. Il est très dur. Mais après, le truc c'est qu'on sait pas si c'est vrai ou pas. Mais c'est ça. C'est ça qui est relou. Et toi, tu sais pas. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Tu peux pas répondre. J'en ai aucune idée, j'aimerais bien te répondre. Tu t'en tires bien. Et voilà, quand t'auras l'adresse de Black Shady. Là, je cherche. Tu me diras. Là, j'envoie en mission Momo. Ah bah. Comme il est parti Momo, je sais que voilà, on sait jamais. S'il il voit, se planque pas, dis donc, dans ton club de direct. Foot. Mon club, oh là là, c'est magnifique. On est au 8e tour de la Coupe de France et là, dimanche, on se déplace. C'est boboche, hein, Bobby. Toul 9-3 se déplace vers Toul. Vers Toul-Rosière, à côté de Nancy. Un gros match au 8e tour et voilà, on espère arriver au 32e de finale pour rencontrer une première division. Voilà, et ben on croise les doigts pour Bobigny. Et la ville de Bobigny. Continuons dans ce vrai faux et restons un petit peu dans le foot d'ailleurs, Black M. Tu étais au Parc des Princes hier soir pour supporter le PSG, vrai ou faux? Faux. Faux. Ah, tu étais pas? Non, j'y étais pas, il m'a pas donné de place. Ah, c'était. Par contre, ben voilà, j'y étais avec le grand sourire. Il y a d'autres personnes qui ont été à ma place. Là, c'était un grand match, donc c'est un match, là, c'est des spécialistes. Les enfants, on pouvait pas les sortir. Là, c'était un classico. Non, mais de toute façon, moi j'ai dit, je viens que quand il y a les loges, tu vois. Tu as commencé à regarder pour le mercato. On va recruter Black M à Bobos. Ah ouais, Black M non, mais... Tu vises pas quelques joueurs du PSG? Tu comptes pas rapatrier? Il n'y a pas le budget. Demande à un moment, il va t'expliquer ce qu'est le budget. Bon, donc tu n'étais pas au Parc des Princes. Non, mais tu as suivi la victoire de Paris face à nos amis marseillais. Ouais. Très ouais, bien sûr. Tu les as cherchés un peu, les Marseillais? Non, même pas. J'étais dans autre chose. Parce que ma prochaine question est là-dessus. J'ai vu le score. Vrai ou faux, est-ce qu'il y a un featuring de prévu avec Soprano? Faux. Faux. Avec un autre membre des Psychiatres. Il est déjà fait. Alonso. Il est déjà fait. Alonso, ouais. Voilà, Alonso. Il est déjà fait. Big dédicace à Alonso. Grosse dédicace à Alonso, ouais, qui va bientôt sortir son album. Soin. Et bah ouais, je l'ai invité dans la série de vidéos que je fais sur internet. Exact. On a fait les yeux plus gros que Marseille. Et vous pouvez cliquer, aller mater d'ailleurs. Yes, n'hésitez pas. Cliquez. Très très lourd. Vrai ou faux, et c'est le dernier de cette soirée. Il paraît que tu es déjà en train de bosser sur ton deuxième album solo. C'est vrai. Bah on peut même le dire parce que ceux qui auront la réédition, ceux qui vont acheter le. Il y aura le titre, il y a le titre à l'intérieur. Viens, on ne dit pas. Ah non, on dit pas. Non, non, non. Il y a le titre à l'intérieur de la réédition. C'est vrai. Et mais d'ailleurs, la réédition, là, elle est disponible en précommande sur iTunes. Tu l'as pas annoncé encore le titre? Tout de suite. Non, je l'ai pas. Je sais t'as pas. Rien dit? Non, je crois pas, je l'avais pas annoncé. Non. Toi, t'as envie de le dire juste. Non, regarde, en plus, l'album est loin de moi. Il est là, l'album. Je l'ai vaguement tête, mais j'ai peur de dire une connerie, donc Non, on l'a pas annoncé. On dirait, mais alors, lançons un jeu. Tiens, à votre avis, comment s'appellera le prochain album solo de Black M? 41759 avec le hashtag Black M sur Skyrock. Celui qui trouve là, c'est un marabout. Ou alors, c'est un mec qui a déjà l'album. L'un ou l'autre. Plus inquiétant. Il faudra envoyer Momo encore récupérer cet album. Bon, on va revenir dans un instant. Non, on a même le temps de passer un petit morceau maintenant. Yes. Qu'est-ce qu'on met de la réédition? Un autre petit de l'édition normale? Viens, on se met le Black Shady partie 3. Eh bah, allons-y. À fond. Poteau. Très très fort. Le morceau s'appelle donc Black Shady partie 3. X1X. Écoutez bien les paroles. Réagissez avec le hashtag Black M sur Skyrock. C'est chef parti. De Guegan. Ça sort le 17 novembre. Je n'y suis pour rien du tout, ce n'est pas moi. Où es-tu, Shady? On te cherche. Arrête de courir. Black Shady. Partie 3. Vas-y Nabila, coude le boudin. Parler, jacter ça le matin. Je te le redis, je suis comme ton pas. Star pour là, j'ai goût de Lady Gaga. Putain de game, mettez-vous en wad. Ou faites comme Sirkis, mettez-vous en wall. Moi en tous les cas, vous n'allez pas m'avoir. Dis David que je n'aime pas sa voix. Oups. Je veux pas le savoir, de toute façon j'ai déjà ses pères. Peut-être je vais faire comme Jackson, oui peut-être je vais lâcher mes frères. Enfin bref, moi c'est Black Shady. Tu n'as aucune chance d'être ma chérie. Je suis complètement hystérique, je peux te lâcher au milieu du pays. Te dire non le jour de la mairie. Fuck le rêve de l'Amérique où le Rona meurt dans la série. Moi plus rien ne me fait rire. Pourquoi il verra tous comme Caris? Et toi pourquoi tu me racontes ta Yves? Dans pourquoi il y a déjà des grosses manifs. Des mecs qui crient on veut du Ralus. Wesh Fred, dis-moi à quand mon planète. Délicat d'un Fred de Sky. Shady va tous vous carner. Présent depuis des années, mon concurrent n'est pas né. Les anciens ne peuvent pas nier que des phases mémorables comme l'interview de Nora. Je me suis tapé une bonne barre, Farrell a dû se dire c'est pas comme ça. Vous vouliez un scoop, vous êtes servi. Vous ne méritez que mon huc en selfie. Je veux qu'on me paye même si c'est en CFA. Ramenez-moi le boss du rap, c'est franc. Big up à mon gars, pas ce franc. C'est de l'indé que vient toute la ce fort. Oui, on aimerait tous retrouver la section d'avant entre Bella et sur ma route. Y'a de quoi parler sur leur Davo. Les puristes sont pharaons, y'a de l'argent comme à Roland Garros. Numéro 1 dans le club, il t'a menti celui qui dit qu'il était mieux à l'époque. Mon son. T'es où Black Shady, arrête de courir. Viens t'expliquer, viens. Dawala te cherche. Badji, ramène-le. Il paraît, il va venir dans la semaine, peut-être. Peut-être. Excusez-moi, j'ai des tocs. Et le Black M, lui, son rêve, c'est simplement que je me stoppe. Je suis le mauvais quart d'heure. Des quart d'heure. Ramène Solange dans l'ascenseur, négueuse, et j'ai pas peur. Et je sais pas ce qui se passe dans la tête de tous ces nègres. On dirait qu'ils sont bons qu'à sucer le Pascal nègre. Peut-être j'en dis trop ou pas assez. Dédicace à Stomy Passy. Et le reste ne fait que m'agacer. Je suis pas meilleur qui veut gazer. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Gaza? Tout le monde fait genre de ne pas voir. Chez K derrière leur casa. Ou sur le net à la casa. Stop! Carton rouge, le game expulsé. Des terres comme Carteron. Mon flow fait mal et ça tu le sais. Oh, c'est marrant. Ils veulent tous faire des hits pour tomber même le Watibé. Un jour ou l'autre va faire faillite. La gloire, c'est éphémère. Ta star, M vénère. Parce qu'elle chie sur les humains. Or qu'elle, comme les humains. Wesh, les neuf faillots. Y'aura pas le retour de l'EFA. Encore moins le retour des rois. La section ne fait plus de rat. L'argent que le Black Shady. Tu voulais entendre, hein. Si ça marche en solo, c'est plus bénéf pour tout prendre, hein. Hey yo, les rappeurs frustrés. Ne faites pas, les rageux, ne faites pas. Comme John Rashid, faut faire son bif et s'arracher. Pendant que t'as mal à ton rap. Là-bas chez moi y'a Ebola. L'Afrique est dans la haine, a besoin du bif de Coca-Cola. Mais comme le monde est raciste, très peu sont là pour épauler. J'en place une pour mes dollars. Mes zones à je numéro 1 dans le club. Il t'a menti celui qui dit qu'il était mieux à l'époque. Mon son. 7 novembre dans les bacs. C'est la jalousie qui fait que tu jettes toi et tes potes. Mon son. Avec Beyoncé. Les vrais soldats l'ont big up. Ils ont reconnu. Il est passé, Black Shady est passé par là. Il est où? Excusez-moi, j'ai des tocs. Et le Black M, lui, son rêve, c'est simplement que je me stoppe. Mon son. Black Shady, partie 3. Mon son. Je sais que vous allez encore jacter. Je le sais, je le sens d'ici. Mon son. Les médias ne me posaient aucune question sur ce morceau. Mon son. Tout est dit, bande de maclous. Ramenez-moi un verre de Watibul. Pêche Pierre, qui le goût, ça dit quoi? Ah. À l'instant, c'est extrait de la réédition de l'album Le Monde, yes. Le Monde plus gros que mes yeux, ça sort le 17 novembre. Et donc yes. Ce morceau, Black Shady. Black Shady. Dur ce qu'il dit, hein. Gros problème, la fermeture de Watibé. Ouais. Bon, il parle de Nabila, il était visionnaire en même temps. C'est un marabout. Faut dire que là, ouais, il y a eu un tout. Truc qui s'est passé là depuis ce week-end. Même les meufs, hein, relou. Des coups de slash. Moi, il a juste dit coup de Louboutin. Non, mais c'est vrai que par contre, c'est incroyable parce que ça débute comme ça, c'est coup de Louboutin qui dit un Black Shady au début. Ouais, c'est ça. Ça s'est transformé. Coup d'Opinel, coup de couteau suisse. Je sais pas trop. Mais coup de Louboutin, et c'est un morceau évidemment que t'as enregistré avant. Bien avant les événements de la nuit de jeudi à vendredi. Bien avant. Que tout le monde a commenté et recommenté, qui nous a même gavé d'ailleurs. Tu veux faire le clip de. Avec qui? J'ai dit quoi? Tu voulais faire le clip avec qui? Je Beyoncé. Voulais faire. Ouais, je sais pas, j'ai entendu Beyoncé ou je sais pas quoi. Ah, dans le morceau, dans le morceau. C'est Black Shady qui est intervenu. Black Shady, il est passé. Putain, lui, il est relou, lui. Ah bah, Beyoncé, ça va coûter cher dans le clip, Dawala. Dawala, il peut tout faire. Ouais, en même temps. Il peut tout faire, Dawala. Et aller la chercher. Arrête. Avec le Watijet. C'est Dawala. Et revenir avec le Watijet en direct. Avec le tourbus. Non, en tout cas, on est très très content de Black M. Ouais. Et un peu moins de Black Shady. Ouais, Black Shady, on le cherche. Mais pourquoi on est content aussi? C'est parce que Watibé, on a toujours eu ce sens de dire voilà, on va, c'est la famille, on essaie de rester ensemble et de s'aider. Aujourd'hui, Black M, voilà, son album, on est tous contents pour lui, il réussit, mais il est toujours à soutenir voilà toute la famille. Ça veut dire que ce soit les Shinsekai, les DRY, l'Institut, Masca, la Vendetta, et voilà, il pousse tous les artistes du roi, malgré sa réussite, et c'est là où encore je suis encore fier de lui. Et j'espère qu'il va continuer, et j'espère aussi son album, il va bien fonctionner. Voilà. C'était l'appréciation du Watibos. C'est cool. Ça, là, je t'ai dit ce que je ressentais, tu vois. Il se livre un peu. Tu as une petite larmichette à l'œil, là, qui est en train de. C'est rare. En train de naître. Non, voilà, je suis content. Franchement, ça me fait plaisir, et voilà. Ça se voit que voilà, on n'a pas fait tout ça pour rien, et que les petits frères ils suivent la route des grands, c'est bien, je suis très très content. Et l'aventure continue avec justement le 17 novembre la sortie de l'album, et tu seras à la Wati Boutique aussi, hein, c'est à ça 16h. Ouais, je serai à la Wati Boutique à 16h à Paris. 29 rue de la Ferronnerie, pas le 28. Ah, t'es pas planté. Tu t'es souvenu du numéro. Et le 21 novembre à la Wati Boutique de Marseille, donc c'est juste avant le concert de Marseille. Ah, juste avant Wati Boutique de Marseille. Pareil. Rendez-vous à 15h avec tous les Marseillais, séance dédicace, on sera là. L'adresse de la Wati Boutique à Marseille, c'est 31 rue de la République. Blé dans l'11e. Merci Raja. Okay. Raja, t'as soufflé? Oui, bien. Ah, bien. J'ai pas marqué. J'ai le casque, à moins que je suis un visionnaire. Ce qui est le cas. Et puis attention, la tournée de Black M qui est un véritable carton. Yes. Il a filé des places dans la roulette là pendant 15 jours. La prochaine date, c'est Clermont-Ferrand. C'est Clermont-Ferrand le 14. Le 20 novembre à Montpellier. Montpellier. Marseille le 21 novembre. Le 22 à Toulouse. Le 23 en Suisse. Le 30, on sera à Brive, c'est complet. C'est déjà blindé. Ouais. Le 4 décembre à Paris. Le 5 à Amiens. Le 19 à Pau. Le 20 à Le Mans. Et le 21 décembre à Amnéville. Je vois qu'il y a une tournée qui se prolonge jusqu'au mois de juin 2015. Il y a une tournée qui se prolonge. Incroyable. C'est le Black. Qui commence en février, qui commence le 21 février à Bruxelles, au Forest National, et qui continue jusqu'en juin. Et tu vas passer partout, hein, Saint-Etienne, Chambéry, Nice, Brest. Ah là, on Alençon, Niort, Le Havre, Roanne, Limoges, Gaillac, Nancy, Épernay, et tu finiras à Boulazac. On attaque toute la France plutôt. Eh ben très bien, donc à suivre la tournée de Black M toute la semaine pour la réédition de l'album le 17 novembre. Allez-y avec le hashtag Black M sur Skyrock. On revient dans quelques minutes, qu'est-ce qu'on mettra comme morceau Black M ce soir? Je pense que on va revenir sur un morceau de l'album que je vais pousser durant la réédition. On va se mettre C'est tout moi, je pense. Eh ben bougez pas, c'est dans un instant sur Skyrock, C'est tout moi avec Black M. Et dans quelques minutes, album aussi de Black M dédicacé, je vous pose une question après la pub. Comme toi, Black M a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Black M toute la semaine entre 20 et 21. On est content de le retrouver, même si en ce moment c'est un rythme. On en parlait là justement pendant les pubs. C'est un gros c'est rythme. Intense. T'as pas eu le temps de t'arrêter en fait? Non. Depuis la sortie de l'album, il y a eu la. Non, depuis le 31 mars, franchement, c'est pas de vacances. J'essaie de moyenner des vacances un peu, mais. Bah, au mois de janvier, mais. Dawala. Mais bien ton casque déjà, Dawala, parce que là tu vas voir. Ah, c'est le style. Le style, il nous fait mal aux oreilles. Ouais, le style qui fait mal aux oreilles, ouais. Ah ouais. C'est comme ça, vous mettez à deux. Non, c'est vrai que c'est. Voilà, quand on sort un album, il faut être prêt parce que, voilà, trois mois avant, il y a de la promo, il faut partir partout dans toutes les villes. Et après, quand le projet sort, il faut prier pour que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, il faut encore charbonner. Et ça fait partie du travail. Et c'est, en vérité, c'est que du plaisir. T'as pas été surpris quand même sur le carton depuis le 31 mars de l'album? Si, un peu, tu t'attendais? Si, quand même, si, franchement, le public, il a supporté énormément. Ah bah oui. Énormément. C'est combien? Double disque de platine? Double platine. Donc, qui représente en termes de vente, parce que parfois on dit double. 200 000. C'est 200 000 albums vendus, voilà. Un peu plus de 200 000. Je voulais minimum disque d'or. Ah bah là. Là, c'est que du plus. On rappelle que le disque d'or est en France est à 50 000, hein, maintenant. Ouais, c'est descendu. Avant, c'était encore. 100 000. Avant, c'était 150 000 à l'ancienne. Ouais. 100 000, là ça se vend pas beaucoup, donc 104 000, c'est vrai énorme. Que 200 000, c'est une des plus grosses ventes, on peut le dire aussi de l'année, hein, même. Ça va être l'une des plus grosses parce qu'on compte pas s'arrêter là. Alors on a fait une réédition, voilà, on compte aller à. C'est une fierté. On peut pas dire le chiffre, mais on compte aller loin, quoi. Et toi, t'attendais, tu disais, ouais, bon, bah, je sais pas. Ouais. T'y allais tranquille, quoi. Franchement, ouais.

précommande disponible. Yeah. C'est tout moi à l'instant sur Skyrock, extrait de l'album depuis le 31 mars, il y a ce morceau sur l'album. Exactement. L'album de Black M, les yeux plus gros que le monde. Ouais. Et le monde plus gros que mes yeux. Voilà. Faut pas se tromper. C'est le 17 novembre. Bah, Boudebank, quelque chose à ajouter? Non, en fait, il fait la gimmick du morceau. La gimmick, c'est ça, c'est ce qui me tue dans le morceau, c'est le... Ça, c'est quand t'as du mal à dire quelque chose et... Et tu fais ça avant, ou après, ou pendant. C'est tout moi, à l'instant, Black M sur Skyrock. Bienvenue à vous tous si vous arrivez à l'instant. Dans quelques minutes, il y aura du live avec Black M. Il y aura un live, ouais. Un petit live. Ouais, il y aura un live, ouais. Non, mais je regarde, c'est quoi ça? Il y a une cassure. Je sais pas, je soupçonne un truc. Non, live, comme d'hab. D'accord. Petit live au Kial. Vous êtes regardé bizarrement, c'est pour ça que je dis avec Dawala, un petit. Il voulait me dire, vas-y, parle Dawala. Non. Tranquille. Voilà, quelque chose. Il y aura un live. Non, tranquille. Il y aura le. Je peux même te dire le titre. Le titre qu'on va faire, c'est On se fait du mal. C'est un extrait de la réédition. La réédition. Ouais. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est branchez-vous sur le site de Skyrock. Ah, c'est regardez visuel. La vidéo. C'est plutôt visuel. Ouais. Skyrock FM ou alors sur l'appli. Hein, là, voilà, il va faire une dinguerie. Je suis sur mon Insta, moi, Boto. C'est quoi l'ambiance? Allez tous follow Dawala sur Instagram. Je vous présente tout de suite Marocco 26 de Valence. Salut Marocco. Salut Fred, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, au calme, tranquille. Hein. Et je te présente Black M avec nous. Ah, Black M, ça va? Wesh Boto, bien et toi? Ça va, tranquille. Cool. Bon, tu es prêt à nous lâcher un bon freestyle? T'as une 30 pour tout défoncer, Marocco? Ça y est, je suis prêt. Kick ça, gros. Allez, c'est parti. Yeah, Proto Black Blanc Beurre. Wouh! C'est le M, tu me reconnais. Wouh! Marocco Gang, Goujda, ça bouge pas, hey. Yeah, ça fait. Yeah. Mais. Ça fait. Je crois que la piste est cool, cramé son cagoule, mis sur le banc de touche, Roroto Carlouche, on sort les cartouches, et à la bouche du ton car, pour éviter de péter les plombs, et d'avis barre, et on se marre, on se car, j'ai ta morphée de niquer sa mère, ça c'est de la part de tous mes couches, tard sans cause, tard un cauchemar, quand la vie te met des grosses baffes, toujours en quête de bif, depuis l'époque de la Hanouna, car on n'a pas le profil, et la dégaine que Cyril Hanouna, 4-8, Oujda, tous les enfants soldats, de 4-3, j'oublie pas, moi un amboka, coincé dans un bocal, besoin d'un avocat, pour les posséder. Le shit pour les blindés, c'est la coca. Je crache ma haine à l'antipop, je baisse le rap et toi la rosa. Je veux que mon père s'étende, plus compter mes dépenses. Le rap mon sixième sens, bien avant l'adolescence. La vie c'est showman, on fuck le chômage. On reste les mêmes avec ou sans la carrière Goldman. Esquive les balles comme Pac-Man, confond pas mes punch et mon rap line. Half-time face à la maille, ma guy, ça part en fight pour quelques grammes. Drame, c'est le bordel, je vomis mon époque. Comment vont faire mes gosses? Comment vont faire les potes? Dis-moi, si la richesse c'est pas le bonheur, c'est que t'as pas connu l'ardeur du malheur dans ton chez-toi. Yeah. Ok Marocco à l'instant sur l'instru, un instru qui a fait plaisir justement. Lourd. Ah ouais, lourd. Dawala, c'est là, il y a un moment ça va sévir quoi, parce que il y a un problème avec la casquette. En fait, la casquette est pas. Il faudrait que tu crées des casquettes spécial casque. Ça arrive, ça arrive. Il y a un concept à développer là-dessus. Lourd Marocco, lourd. Bravo lourd, Marocco. Lourd. Je voulais placer une spéciale casquette à mon équipe, Adi, Billy, Watos, Benzo, Herman. Toute l'équipe qui me supporte, tous ceux qui me soutiennent, et vous pouvez me trouver sur ma page Facebook, Marocco 26, puisqu'il y a un clip là qui sort dimanche 16 à 18h30, Tuck Zone 2, ça s'annonce lourd. Et bah loupez pas, donc allez suivre Marocco 26. Yes. Merci à toi Marocco 26. Lourd mon poteau. Ah, il est parti déjà. Merci, t'es pressé. Lourd le freestyle. Eh mais attends, ce soir on n'est pas en TT. Raja, D'habitude on vient manger. J'ai pas contrôlé le TT, ça dit quoi le TT? Ça dit Dawa. Qu'est-ce qui se passe? Dawala en TT? C'est Dawala en TT ou c'est Black M en TT? En DT. Dawala. Alors attention, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a encore du free Nabila. Oh là là. Vas-y Nabila, coude le boudin. Ah, il y a Black Shady, Black Shady en TT, allez. Ah, Black Shady est en TT, voilà, bravo. Black Shimdou. Ah ouais, le Black Shady est en TT. Ah gros. Allez, vous continuez à balancer les messages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en TT? Rien d'autre intéressant. Non mais Nabila, il y a un moment, faut arrêter. Bon, on la salue la pauvre, on lui souhaite bon courage pour la suite, mais... On va pas y passer une semaine non plus. Après, il y a des trucs politiques jouillés, machin, ça te parle, non? Pas du tout. D'accord. Coupe de France, Justin Bieber aussi. Non plus. Vérifie bien, Fred, il y a rien sur la Coupe de France, on sait jamais. Non. Non, mais ça va venir. Il y a Fillon. Ça va venir, Black Shady entêté. Allez, vous balancez avec le hashtag Black M sur Skyrock ou alors avec le hashtag Black Shady. On a balancé d'ailleurs ce morceau, hein, Black Shady Part 3. Yes. Que tu avais toi-même balancé il y a quelques jours de cela. Exact. Sur le net. On écoute un morceau, qu'est-ce qu'on met? On revient sur l'album. Qu'est-ce qu'on avant de passer s'écouter au live. Tiens, Dawala, je te laisse choisir un morceau. Moi? Ouais, choisis un morceau. Moi, je mettrais bien le Je ne dirai rien qu'on n'a pas mis encore. Vas-y, je ne dirai rien. Non? Vas-y, mais je ne dirai rien. Pourquoi? Je ne dirai rien. Moi, c'est trop t'allais gay. T'allais dire quoi, toi? Non, moi, j'allais. Dis, t'allais dire quoi? Vas-y, chinois. Mais dis, t'allais dire quoi? J'allais dire, tu sais très bien ce que j'allais dire. Je sais pas. Alors, quoi, tu me demandes? Vas-y. Mais laisse comme tu veux. Moi, je sais pas ce que t'allais dire. C'est trop gang, là. T'allais dire quoi? Je suis pour mettre un son de l'album que j'affectionne. Eh ben, alors, allons-y, à bout de bang, vas-y. Je chantonne, s'il te plaît. Très bien. Pourquoi je milite. Je suis en train de militer pour que ce son rentre dans la tournée. Donc s'il vous plaît, aidez-moi à commenter ce son. En fait, ils veulent tous le faire en live durant la tournée. Donne, par contre, le vrai nom du morceau de Je chantonne. Il s'appelle Je chante pour oublier. Pour oublier. Ouais, tu as donné le premier titre. Oui, tu as donné le premier titre. C'est vrai. C'est pour oublier. On va s'écouter pour oublier. Très gros son, très profond. Il s'engage dans le son. Je suis pour. Pour qu'on le fasse dans la tournée. Et Dawala aussi. Et il n'est pas fait pour actuellement? Non, il n'est pas fait, Black, je sais pas. De quoi? Pour oublier, pourquoi tu veux pas le faire en fait? Viens, on le fait écouter, on voit les réactions. Voilà. C'est vous qui allez décider s'il le fait ou pas. Tiens, du côté de voilà, Clermont, Voilà. Donc, la tournée, vous si vous voulez pour oublier, faites signe. Dédicace au blanc, masca, mon gars, bien sûr. Yes, Eric Black M sur Skyrock. Vendetta. L'institut. J'avais oublié mon Kai. Moi je veux juste m'évader. Pour un petit temps tout effacer. Pour oublier je chante. Moi je veux oublier, m'évader. Je veux tout effacer. Dis-moi qui est ton tout bip. Le mien est mort. Posons nous parlons de nos vies. Ce qui nous a causé du tort. L'impression d'aimer souffrir. Je crois qu'on m'a jeté un sort. J'ai comme une envie de fuir. Mais j'ai plus de force. Pour oublier, je suis obligé de me forcer à faire la fête. Ou alors je pense à la fin, du moins à la date de ce foutu chèque. Pour oublier, je fume de l'herbe. Je frappe quand j'ai les nerfs. Perdu dans mes rêves, je suis devenu grave téméraire. Je regarde ma mère, sourire aux lèvres. Cette fois me fait oublier que sur terre c'est la mer. Comment oublier hier? Si aujourd'hui j'ai mal, en plus de ça demain c'est loin. C'est quoi le but au final? Renaud Rebillon à la prod. Pour un petit temps tout effacé. Pour oublier je chante. Moi je veux oublier, m'évader. Je veux tout effacer. Je pense à ceux qui sont partis. Que le temps emporte. Ainsi qu'à tous les martyrs du vice de notre époque. Et à ceux dont la fatigue a usé le corps. Et en voyant leur sourire, tu sens qu'ils sont plus forts. Pour oublier, ils chantaient, je les ai vus dès 6 ans. Avec des problèmes de santé suivis de grosses décisions. Lui aussi chantait dans son 10 mètres carrés. Alors qu'il plaidait non coupable, comme nous le disait Karim. Chantonne sur un chemin où le diable te guide, te kidnappe, te brise. Tu le vis mal, tu frises la folie. Ouais, t'oublies les stigmates, les crises. Pour oublier, je chantonne ou bien je rappe mes titres. Je chantonne. Moi je veux juste m'évader. Pour un petit temps tout effacer. Pour oublier, je chantonne. Moi je veux oublier, m'évader. Je veux tout effacer. Parce que je veux juste fuir les problèmes. Je ne veux plus de problèmes. Parce que je veux juste fuir les problèmes. Parler de ce son, on veut le faire dans la tournée. Je milite, aidez-moi. Je souffre. Ça me fait du bien, mais j'ai là comme les mecs de Kingston. Ma vie elle est instable comme l'état du Congo. Ça me fait du bien, mais j'ai là comme les mecs de Kingston. Oubliez, je chante. 17 novembre dans les bacs. Moi je veux juste m'évader. Dieu. Pour un petit temps tout effacé. Pour oublier je chante. Le lien de la précommande est disponible sur iTunes. Fonce. Moi je Fonce. Veux oublier m'évader. Je veux tout effacer. Pour tous les proches que j'ai perdus en cours de route. Les durs moments où solo j'ai failli devenir fou. Moi je veux juste m'évader. Pour un un petit temps, tout est passé. La fois où mon pays d'origine a connu un coup d'état. Mes agous n'avaient pas d'armée, ils étaient prêts à se péter. Moi je veux oublier, m'évader, je veux tout effacer. La guerre, la crise, j'ai peur, je suis triste. L'argent, y'a pas, normalisons tout prix. J'en pleure, je prie, mon Dieu, aide-moi. Je veux tout effacer. J'ai mal, j'ai faim, on tue les miens, la lèpre me ronge. J'ai plus mes mains, eux ils violent nos femmes, nos filles et moi. Je veux tout effacer. Enfant soldat, peu importe le pouvoir, l'homme est tout petit et Dieu est grand. Pour oublier qu'on souffre, au lieu de pleurer, on chante. On chante. Big Black M. Yeah. Extrait de l'album disponible. Le morceau qui s'appelle Pour oublier à l'instant, c'est en effet sur l'album où t'as vu, il y a beaucoup de gens qui le réclament. Hein. Ah bah mortel, mortel, on va sûrement le tester. C'est un son qui vire trop du What You Dream. Faut absolument que tu le fasses. On va sûrement le tester, sûrement. Il y a des morceaux justement sur cet album où t'as été surpris, des morceaux sur scène. La légende. Qui n'ont pas été diffusés en radio et qui. Ah ouais, non, mais s'il a été diffusé celui-là, ouais. J'ai testé une fois Jessica, le morceau de la fan hystérique. Et ça a mis une ambiance dans la salle très bizarre. Très bizarre. Et les gens, ils ont kiffé quand même. Mmh. Et ouais, après on teste plein de trucs. Hein, ouais. En général, ça marche. Et ben là, la prochaine date pour tester peut-être des choses, ce sera au Zénith de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, 14 novembre. Yes. À pas louper, Black M, notre invité toute la semaine. On rappelle que la réédition, c'est lundi. Dans les bacs, il y a précommande dispo dès maintenant. Hein. Exactement, précommande disponible. Allez-y, foncez, n'hésitez pas. Mise inédite. Allez, très, très lourd. Le monde plus gros que mes yeux, ça sort le 17 novembre. Pour Black M, est-ce que tu es prêt maintenant pour le live? Alors, ouais, je suis fin prêt. Je te préviens juste, je te dis au revoir tout de suite parce qu'à la fin de ce live, je n'ai plus rien à te dire. Je me tire direct. Je veux partir sur un truc où vraiment, tu vas voir. Je te prépare un gros truc. Donc, je t'annonce dès maintenant. Alors, allez voir les images parce qu'il y a une équipe qui est derrière toi quand même qu'on peut saluer. Je vous dis, c'est l'armée de Black M. Non, c'est des amis. Ah tranquille, bah. C'est des amis. Tu vois pas, hein. Il y en a qui paraissent plus sympas que d'autres. Hein. Ils sont tous sympas. Franchement, c'est des amis, ils sont là pour me soutenir pour le live. Eh bah, bienvenue aux amis. Et aux amis, à la fin de ce live, moi, je m'en vais direct. Oui, on se retrouve demain. Tu veux te casser. Ok. Bon, bah, alors disons-nous au revoir. Merci. Oh, merci. Black M, c'était merci, cool. Fred. Voilà, c'était un très bon début. À demain. À demain si Dieu veut. Et à demain, donc le retour de Black M. Et branchez-vous tous. Le morceau que je vais vous faire en live, il s'appelle On se fait du mal. Ça va être le prochain extrait de cette réédition. Et puis au pire, si vous n'avez pas les images, si vous êtes juste dans la bagnole ou à la maison, que vous n'avez pas les images de dispo, Momo les mettra tout à l'heure là à partir de 21h. Elles seront sur Skyrock FM, sur le blog de Planète Rap. Et si vous pouvez aller maintenant cliquer les images sur l'appli Skyrock ou alors sur le skyrock.fm. C'est parti, le live de Black M qui est debout dans le studio. On attaque? On attaque. Yeah, yeah, yeah, yeah. Big Black M. 17 novembre dans les bacs. On se fait du mal. Yeah. Mon refrain, je suis désolé. J'aurais aimé te rendre la monnaie. Gêné, je pense à tout ce que tu m'as donné. Ces moments durs où tu m'as épaulé. J'étais pas le seul, t'étais à mes côtés. Personne m'entendait, toi tu m'écoutais. La suite fait mal, je me tais, tu la connais. Fallait que tu saches que je suis dégoûté. On se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. Avant que nos cœurs explosent, on se fait du mal. Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. Ma chérie, je suis désolé. J'avoue ton cœur, je l'ai cambriolé. Je sais que ton intimité s'est fait violer. Et que tu as su te consoler. Dévoré. Le silence nous a éloignés. les cris de nos disputes devant témoigner. On se fait du mal, faudrait qu'on passe à autre chose. On se fait du mal, avant que nos cœurs explosent. On se fait du mal, faudrait qu'on passe à autre chose. On se fait du mal, on se fait du mal, on se fait du mal. On se fait du mal. Skyrock, yeah. On se fait du mal. Arrêtez, arrêtez tout, arrêtez, arrêtez. On se fait du mal. Arrêtez, arrêtez tout, arrêtez, arrêtez. On se fait du mal. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. On se fait du mal. On se fait du mal. On se fait du mal. Arrêtez, arrêtez, arrêtez tout, arrêtez, arrêtez. On se fait du mal. Arrêtez, arrêtez, arrêtez tout, arrêtez. On se fait du mal. S'il n'en reste qu'un, je dis bravo. Ah, je suis pas tout seul. Abou de Bang me rejoint dans le studio. Abou, comment ça se passe avec... On va les réanimer. Comment ça se passe? Tout de suite. Tonnerre d'applaudissements. Bravo, bravo à vous en tout cas. Alors si vous n'avez pas vu les images, si vous étiez en radio, si vous étiez à la maison mais vous n'avez pas de net, alors... Je vais appeler Guillaume. Vas-y, vas-y, tiens, pour Guillaume. Ceux qui n'ont pas vu, c'était une choré hallucinante. Dinguerie. Moi, j'ai flippé un moment. C'est lourd. Je te jure, au début. J'ai flippé. T'as vu? C'est parce que je m'attendais pas, je regardais Black M, mais d'un seul coup, je l'ai vu en position. Je me suis dit, merde, il me saute dessus. Je sais, c'était le but. Guillaume, qui est le chef. Voilà, Guillaume. Qui va nous toucher deux mots sur la choré. Donc, ouais, donc voilà, donc c'est une choré pour arrêter de se faire du mal. C'est pour Black M. Et en fait, l'idée, c'est que il y a les danseurs de l'écrou. On suit un peu Black avec lui sur différents clips. Sur différents clips, etc. Ouais. Et ensuite, il y a les danseurs de la compagnie MRG qui sont greffés au truc. Et donc voilà. Donc, c'est lourd, c'est lourd. Et bah, moi, j'ai encore envie de vous dire bravo. Franchement, merci. C'est la première fois, il y a une chorégraphie. En plus, il y a une choré dans le studio Planète Rap. C'est la première fois. Ce qui n'est pas le truc le plus simple ici à faire, parce que vous êtes quand même nombreux. Vous êtes combien en tout dans l'équipe là, donc, il y a 5 danseurs de l'écrou, une chorégraphe. Et ensuite, les danseurs de la compagnie MRG, là, ils sont 10, normalement, ils sont 26. Donc voilà. On était quand même une quinzaine dans le studio à faire la chorégraphie. Exactement, ils ont foutu le bordel. Ah, bravo, bravo. Et je tiens à dire que le single est disponible sur iTunes et sur le site www.titi-b.com. Et on a perdu Black M, peut-être. On se fait du mal. Tu le reverras demain, tranquillement. Que demain, entre 20 et 21. Le monde plus gros que mes yeux, la réédition de l'album dispo en précommande. Salam, Fred. Merci à Blue Tobain. Bon, merci Guillaume. Merci. Il y a une adresse pour vous suivre justement sur le net. Il y a des adresses, on peut vous suivre sur Facebook. Alors là, il y a le site internet du studio MRG. Donc voilà, vous allez sur www.studioemerger.com. Studioemerger.com. Et voilà. Et merci à toute l'équipe en tout cas. Merci. Bravo. À vous. Big up à Black M. Bravo à vous. Et avant de retrouver Difool et avant de finir tout seul dans le studio, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre des bons d'achat de 50€ plus ta nouvelle compil Planète Rap 2014 volume 3. Salut Amine de Paris 18, comment ça va Amine? Ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme, j'ai fini l'émission seul ou presque. Avec toi, c'est déjà pas mal Amine, on fait tourner la roulette, c'est parti? Vas-y, c'est parti. Allez, dès que tu veux tu dis stop. Un magnifique téléphone, Amine. La roulette qui va s'arrêter sur la compile Planète Rap. Tiens, coupe-le un peu. Hop, voilà. Planète Rap. Merci. Planète Rap 2014, volume 3. Et également 50€ quand on voit en bon d'achat. Ouais, c'est pour toi, Amine. Merci beaucoup. Ouais, je suis content, t'as sûr. Eh ben terrible. Merci à toi. Passe une bonne soirée. Merci à vous tous. Merci une fois de plus à toute l'équipe qui était là à Black M. Les images, Momo, tu les mets rapidement hein, pour voir la chorégraphie, ce qu'on n'a pas vu sur le Skyrock FM, sur le Planet Rap, sur le blog de Planet Rap. Et là, on va retrouver Difool. Mais oui, Fredo. Je suis tout seul avec Momo et avec une équipe de danseurs. Et ben non, on n'est pas tout seul. Et de danseuses motivées. Ah, t'as des danseuses en plus, bah, de quoi tu te plains? Non, mais ça va. Oh, ouais, ça va. Je me plains pas du tout, Marine. Ah oui. Tout va bien. Demain, 11 novembre, et demain, Planète Rap. Oui, direct. Bah oui, on sera là. Avec Black M. Le retour. Le retour, normalement. Si, il sera là à 20h, hein, Black M. Si je le retrouve un petit peu avant 20h, il devrait être là. Bon, bah écoute, on va se faire plaisir demain. On découvre donc le monde plus gros que mes yeux. Ouais, ça sort le 17 novembre dans une semaine. C'est la réédition de l'album avec des morceaux en plus. Avec 8 morceaux en plus. Et vous avez pas eu le temps de mettre une dirait rien. Inédits. Non, on n'a pas eu le temps. Ah bah ça tombe bien. Oui, parce que dans la voiture, vous l'avez annoncé. Ouais. Je vous dis, on va mettre John Guerrera. Et non, on l'a pas mis, donc nous on le récupère. On va le récupérer. Ah. Ouais. On va se faire plaisir avec Black M et John Guerrera là tout de suite. Et puis à ne pas louper, donc demain, la suite de la semaine Planète Rap de Black M sur Skyrock. Et là, on est en direct. Je dis ça pour ceux qui font le pont. Yes. En direct sur Skyrock avec tous ceux qui sont là. Ouais, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Et ouais, pas de pont. Non, demain non pont. Plus, pas de pont. Planète Rap des 20h. Et là, c'est parti jusqu'à minuit. On aura votre drone à vous filer un soir. Ah, j'adore ça. Ah oui. T'en as un, Fredo? Non, j'aimerais bien en plus. Ah bah, faut jouer avec nous. Bah ouais. Ouais, mais vous allez pas me le filer, je vous connais. Ah, Fredo, c'est le premier à nous envoyer le mot de passe que je donnerai tout à l'heure. Je sais que je pourrais jamais le premier. Je te l'offrirai de bon cœur. Romano te l'offrira de bon cœur, c'est lui qui les a dealés lui-même. Quand il dit ça, c'est encore pire que tout. On n'en aura pas. Il a t'as testé ou pas, Romano, l'autre fois? Ouais, ouais, bah, ça y est, mais je l'ai ramené encore ce soir. Ah, il a tapé le mur, le drone. Ce soir, il fait un vol, mais d'anthologie. Ah, tu t'es entraîné ce week-end? Pas trop. Ah, merde. Ce soir, on va risquer notre vie parce qu'on risque de se prendre un drone dans la gueule. Ça va être terrible. Ouais, il y a des chances. Bon, bah merci Fred. De rien. Merci Black M. Et là, c'est parti sur Skyrock. Attention, c'est l'heure de la radio libre. Ouais, coup d'envoi. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Vous nous laissez vos messages en 41 759. L'appli Skyrock et tout le reste. Si vous voulez faire les cons avec nous d'ici minuit, eh bien, profitez-en. On est là et on est prêt. C'est parti avec Black M. Allez, yes. Go. Allez, c'est la semaine Black M dans Planète Rap. Yes. Et on en profite aussi. On se fait chier. Salut Fred. Ciao. 1500 euros tous les matins sur Skyrock.